Votre sélection débutera après cette publicité. Ce contenu est présenté par IKEA. Pour créer la chambre de vos rêves, profitez en ce moment d'une réduction de 15 % sur les lits, matelas et armoires penderies lors de la promo chambre à coucher de IKEA. Détails à fr.ikea.ca. Bonne écoute. 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Cole Porter, le roi de la comédie musicale. Kiss Me, Kate demeure la meilleure et la plus populaire des quelques 25 comédies musicales composées par Cole Porter. C'est un des rares compositeurs avec Irving Berlin et Stephen Sondheim à écrire à la fois la musique et les paroles de ses chansons. Dans la musique américaine, il détient une place privilégiée grâce à un style inimitable. L'animatrice Lisette Gervais, à l'émission Broadway chante et danse, diffusée en 1984, avec Irving Berlin, en effet, avec George Gershwin aussi, Cole Porter est l'un des géants de la musique populaire américaine. Au cours de sa carrière, il va écrire plus de 800 chansons, parmi lesquelles on retrouve certains des plus grands classiques de l'histoire de la musique au 20e siècle. On n'a qu'à penser à Love for Sale, Every Time We Say Goodbye, I've Got You Under My Skin, des chansons qui seront également interprétées par les plus grands, Billie Holiday, Ella Fitzgerald ou Frank Sinatra, pour n'en nommer que quelques-uns. Pour nous parler du génie Cole Porter et du sacré personnage, il faut bien le dire qu'il a été également, je reçois l'animateur de l'émission « Quand le jazz est là », présenté à Ici Musique, Stanley Péan. Stanley Péan, bonjour. Bonjour Jacques. Merci Stanley d'avoir accepté encore une fois de participer à cette série d'émissions spéciales où des collègues de Radio-Canada viennent nous parler de sujets qu'ils connaissent bien, de sujets qui les passionnent. Et c'est le cas pour vous. Je pense que Cole Porter, c'est quelqu'un qui est cher à votre cœur de mélomane. Pourquoi? Quelle place il occupe pour vous, mais plus largement dans l'histoire de la musique américaine, Cole Porter? Mais pour moi, c'est une sorte de phare. Hein? C'est, à mon avis, le plus brillant des auteurs-compositeurs de la variété américaine de la première moitié du 20e siècle, bien avant Gershwin, bien avant Berlin, Rogers ou les autres. Et ça, c'est sans rien leur enlever à eux. Mon préféré, en tout cas, parce qu'il y a la finesse de sa musique, il y a l'intelligence, il y a la subtilité de ses textes, il y a son humour aussi. Et cette facilité à considérer souvent une situation d'un point de vue inédit, décalé, inattendu. Je prends un exemple, Get Out of Town, une chanson d'amour dont le titre suggère tout à fait autre chose, mais on va découvrir rapidement la raison pour laquelle le personnage qui parle donne à l'autre l'ordre de quitter la ville, c'est parce qu'il a peur de ses propres sentiments, de cette passion qu'il dévore. Puis il y en aurait tellement d'autres exemples. Oui, puis c'est une machine à tube, vraiment. Peu de compositeurs ont écrit autant de chansons qui deviendront des classiques, je pense, Stanley. Mais vraiment, parce que sur près d'un millier de chansons qu'il nous a offertes, il y en a beaucoup qui vont faire les palmarès des plus grandes chansons du répertoire, ce qu'on appelle le Great American Songbook, et qui vont devenir des standards de jazz. Oui. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor. Every time we say goodbye. La grande Ella Fitzgerald qui chante « Every time we say goodbye ». Partons de cette chanson-là, Stanley Péan, pour décrire un peu la musique et le style musical de Cole Porter. Comment décrire ce style Porter? D'abord, c'est l'élégance, c'est la sophistication de ses mélodies, mais c'est aussi, encore une fois, l'intelligence, la manière de faire coller le texte à la mélodie. Ici, dans « Every time we say goodbye », la section qu'on vient d'entendre, il y a des paroles qui décrivent le mouvement même de la composition, tout en restant dans la thématique amoureuse de cet adieu déchirant. « Every time we say goodbye, I die a little », je meurs quand on se dit au revoir. Et il n'y a pas de chanson d'amour plus raffinée, mais qu'est-ce que c'est étrange de passer du mode majeur au mode mineur. Donc, on est passé de la joie à la tristesse à cause de l'adieu, mais exactement au moment où elle dit ça, où elle chante ça, et là, Fitzgerald, c'est ce qui se passe dans la musique. Oui. Et ça montre l'espiègle, au fond, Porter, qui aime jouer, qui aime la musique, évidemment, mais en faisant cette référence-là, ça énervait du monde, ce côté qu'il avait, d'ailleurs. Il y avait des gens qui le trouvaient un peu fin finot, là, wise guy. Mais Cole Porter aime les mots, il aime jouer avec les mots, leur sonorité, et il n'en a pas peur des mots. Alors, les calembours, les allitérations, des images inattendues, elles sont à profusion dans ses chansons. Il ose aussi aborder des sujets délicats pour son époque, salaces en tout cas, la drogue, le libertinage, l'homosexualité, la prostitution. On prend sa chanson « Love for Sale », tirée de sa comédie musicale « The New Yorkers » de 1930. Dans cette chanson-là, il donne la parole à une travailleuse du sexe, comme on dirait aujourd'hui. Et cette personne qui parle, cette femme qui parle, estime en savoir davantage sur l'amour que les poètes avec ce qu'elle qualifie de babillage enfantin sur ce sujet-là. Et ce que vous dites, en fait, ça nous montre bien, Stanley Payant, que même si c'est un mélodiste, bien que ce soit un mélodiste extraordinaire, les paroles chez Cole Porter sont également très, très importantes. Puis Lisette Gervais le soulignait au tout début, mais ils sont pas si nombreux quand même, Stanley, à cette époque-là, à faire à la fois, à composer à la fois de la musique et à écrire des paroles. Non, il y a Irving Berlin qui a été son ami, qui a été un peu son protecteur, son parrain. Mais chez Gershwin, par exemple, c'est son frère, Ira Gershwin, qui va signer la plupart des textes. Évidemment, il y a une complicité, mais ce n'est pas la même chose quand c'est quelqu'un d'autre qui écrit le texte, quand vous écrivez à la fois le texte et la musique et que vous essayez de les faire coller. Et ça, c'est on s'extasie de ça chez Porter, de voir à quel point c'est vraiment intimement lié, là, le texte et la mélodie. Times have changed, and we've often rewound the clock since the Puritans got the shock when they landed on Plymouth Rock. If today any shock they should try to stem, instead of landing on Plymouth Rock would land on them. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. Anything Goes, chanté par Cole Porter lui-même, et cet enregistrement, c'est une manière de rareté que vous nous avez suggéré de présenter Stanley Payant. C'est une bonne idée, puis ça nous permet aussi de parler du bonhomme comme tel, puisqu'on vient de l'entendre chanter. Un sacré personnage, je le disais au tout début de l'émission. Parlez-nous de Cole Porter, l'homme. Quel genre d'homme est-il? Sacré personnage, pas un chanteur, pas du tout. Non. Mais bon, il écrit et compose ces chansons-là, qu'il chante dans des réceptions pour amuser la galerie, mais il ne fera pas de carrière d'interprète. Bon vivant, donc quelqu'un qui vient d'une famille assez aisée, qui fréquente les meilleures écoles, qui ferait avec la haute société. Il aime profondément la musique depuis qu'il est très, très jeune. Il est une sorte de playboy qui fait la belle vie à Paris dans sa jeunesse. Et il va y rencontrer et épouser Linda Lee Porter. Ce sera un deuxième mariage pour elle. C'est une riche héritière. Qui sait qu'elle a affaire avec un séducteur? Il y a beaucoup de biographes qui le décrivent comme bisexuel, mais Cole Porter, compte tenu le fait qu'on ne lui connaisse qu'une seule liaison avec une femme, il serait plus juste de le désigner comme un homosexuel. Ouais. Elle le sait donc, elle l'accepte dès le début de leur fréquentation, pourvu qu'il fasse preuve de discrétion, ce qu'il va faire plus ou moins tout au long de leur mariage. Elle a, en tout cas, beaucoup d'admiration pour lui, et on comprend cette affection, cette admiration-là, qui est réciproque d'ailleurs, et il aime profondément Linda, qui va quand même lui inspirer quelques chansons. Et les deux sont des mondains. Elle voit en Cole Porter une sorte de passeur, quelqu'un qui lui fera accéder à la respectabilité. Elle ne sera pas juste une riche héritière, elle va être une mécène, quelqu'un d'important dans le milieu des arts. Et d'ailleurs, elle le pousse à aller plus loin dans sa musique. Elle aimerait qu'il devienne un compositeur de musique classique, qu'il ne se contente pas de faire des comédies musicales pour Broadway. Oui, puis cette vie qu'ils vont mener ensemble à Paris, c'est le faste, le luxe. Vous le disiez, elle est lui-même est issu d'un milieu aisé, Cole Porter, puis bon, sa femme est très, très riche. Puis c'est la bohème parisienne, là, mais attention, avec Hemingway, avec Picasso, c'est un peu ça, la période parisienne de Cole Porter. Il s'était rendu en Europe au moment de la Première Guerre mondiale, engagé dans la Légion étrangère. Il va y rester parce qu'il aime la vie parisienne à toutes les saisons, à toutes les heures du jour, comme il va d'ailleurs l'écrire dans une de ses chansons célèbres, « I love Paris ». Il mène une vie d'aristocrate et il fréquente, vous l'avez dit, l'élite culturelle, Hemingway, Picasso. C'est une fête perpétuelle. Paris est une fête, c'est le cas de le dire. Et c'est tellement plus proche de sa sensibilité à lui et tellement loin du puritanisme qui règne dans la société américaine de l'époque. Ouais. Et puis, c'est à Paris, donc, que ce sera un peu son tremplin musicalement, avant de parler des grandes années qui s'en viennent, de son espèce d'âge d'or qui commence dans les années 20, années 30. Un petit retour peut-être sur les débuts de Cole Porter par rapport à la musique. Ça arrive quand dans sa vie? Comment il s'intéresse à la musique? Mais il commence à composer très, très, très jeune, mais sa première comédie musicale, c'est en 1916, « See America First ». Ça va être un échec cuisant. C'est là qu'il va décider de quitter les États-Unis pour l'Europe, ne se remettant pas de cet échec-là. Mais il n'arrête pas d'écrire des chansons pour autant. Et il se trouve que Linda est amie avec une femme qui a épousé Irving Berlin, qui va passer les voir alors qu'ils ont loué une espèce de somptueuse villa à Venise. Et donc, Berlin va s'intéresser au travail de Porter, va même recommander Porter à des producteurs qui tentent de le recruter, lui, pour écrire une comédie musicale sur Paris, en leur disant, ben voyons donc, si vous avez besoin de quelqu'un pour écrire quelque chose sur Paris, c'est Cole Porter qu'il vous faut. Il connaît Paris, il connaît la vie française, il a toutes les qualités que l'on sait, et c'est ce coup de pouce-là d'Irving Berlin qui va lancer en 1928 Cole Porter avec la fameuse comédie musicale Paris. Birds do it. Bees do it. Even educated fleas do it. Let's do it. Let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. Lithuanians and Laps do it. Let's do it. Ah, let's fall in love. The Dutch in old. Cette chanson, Let's Do It, elle est tirée de cette comédie musicale dont vous parliez à l'instant, Stanley Péan, la comédie musicale Paris, ou Paris, c'est la version de Dinah Washington qu'on vient d'entendre. Et c'est avec Paris, donc, que Cole Porter connaît son premier grand succès à Broadway en 1928. Parlez-nous de cette comédie musicale-là, de son importance pour lui et de ce qui va suivre, la série de succès sur scène qui l'attendent à Broadway. Elle est très importante parce qu'effectivement, il débarque dans c'est un travail de mercenaire. On lui demande d'écrire, c'est pas son projet à lui. Mais il va accoucher de ses chansons, dont plusieurs, comme Let's Do It, une chanson sur le libertinage, vont frapper l'imaginaire, vont rester très rapidement dans les esprits des gens. Et là, il va se mettre à enchaîner. La même année, il fait 50 Million Frenchmen, qui va nous donner You Do Something to Me. En 1930, il fait The New Yorkers, où il y aura Love for Sale. Where Have You Been? En 1932, il fait The Gay Divorcée, dans laquelle il y a Night and Day, qui est une de ses plus célèbres. Et là, ça continue à s'enchaîner. 1934, Anything Goes, la chanson de titre All Through the Night, I Get a Kick Out of You, You're the Top. Et à chaque fois, à chaque comédie musicale, il accouche de chansons qui restent, des chansons qui s'imposent, qu'on va retrouver au cinéma. Elles sont reprises au cinéma quand c'est pas carrément les comédies musicales elles-mêmes qui sont adaptées. Les chansons se retrouvent dans d'autres comédies musicales avec évidemment la bénédiction de Porter qui continue à encaisser parce qu'il est de famille aisée. Puis là, tout d'un coup, le succès lui rapporte énormément d'argent. Ouais, puis évidemment qu'un tel succès à Broadway ne pouvait pas passer inaperçu à Hollywood, comme vous le disiez. Puis sa première musique pour de film pour Hollywood, ce sera pour le film Born to Dance. C'est facile de vous aimer, de passer toute sa vie à vos pieds. Je dois être si doux, et pour cela je donnerai tout, oui tout. Et nous serions si heureux tous deux que vraiment ce serait bien malheureux. C'est donc en 1936 que Cole Porter signe cette musique du film Born to Dance. C'est sa première musique donc de film pour Hollywood. C'est Joséphine Baker qu'on vient d'entendre reprendre en français l'année suivante, en 1937, la chanson Easy to Love, tirée de cette trame sonore de Born to Dance. En français, donc, ça devient C'est si facile de vous aimer. Quelle importance ça aura pour lui, à part l'aspect financier que vous avez déjà évoqué, Stanley, mais l'importance qu'aura le cinéma dans la vie de Cole Porter? Ben, à ce moment-là, c'est encore plus de rayonnement. Broadway, c'est une chose, mais Cole Porter, beaucoup de ses chansons ne peuvent pas tourner à la radio à cause de leurs propos jugés trop osés. Là, c'est le cinéma, l'art populaire par excellence du 20e siècle, qui propulse les chansons de Cole Porter dès la fin des années 30. Et lui, installé à Hollywood, mène une vie encore plus débridée que celle qu'il vivait à Paris. Il va oublier cette promesse de discrétion qu'il avait faite à Linda Porter et donc aligner encore une fois des musiques de films. Dans Born to Dance, il y aura You'd Be So Easy to Love, bien sûr, mais il y a aussi I've Got You Under My Skin, qui sera très importante dans sa carrière. Ouais. En 1937, il fait Rosalie in the Still of the Night, en est issu. Broadway Melody of 1940, en 1939, va nous donner I Concentrate on You, I've Got My Eyes on You, Begin to Begin. En 1947, The Pirate nous donne You Can Do No Wrong. Et puis, ça va continuer comme ça. Parfois, il est même en nomination pour l'Oscar de la meilleure chanson. Oui. Et sa vie libertine dont vous parliez à Hollywood fait que sa femme et cette promesse qu'il brise, il n'est plus discret. Donc, ses relations homosexuelles sont maintenant assez largement connues. Fait que sa femme va le quitter. Et coup de malchance, à peu près au même moment, en 37, il va avoir un grave accident de cheval qui lui enlève l'usage des jambes. C'est un tournant, ça, cette période-là dans sa vie. Oui, parce que Linda, pour la première fois, envisage l'idée du divorce. Se dit, je ne veux peut-être pas passer ma vie au comble. Malgré tout le respect qu'elle a pour lui, malgré tout l'amour qu'elle a pour lui, là, c'est trop pour elle. Elle prend du recul, elle retourne vivre dans la maison parisienne, parce qu'ils ont des maisons un peu partout, le couple. Et c'est pendant son absence qu'il a cet accident d'équitation très grave qui va lui enlever l'usage de ses jambes, qui ne signifiera pas la fin de sa carrière. Mais il raconte même que pendant qu'il était sous le cheval qui lui broie les jambes, qui lui broie les os, il est en train de, pour tromper la douleur, pour se distraire de la douleur, il est en train de composer dans sa tête « At long last love ». Bon, c'est lui qui a dit ça, ça ressemble à une vantardise, mais en tout cas, ça lui sait si c'est vrai ou pas, mais c'est vous dire à quel point la chanson est liée à toutes les étapes de sa vie. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so. Frank Sinatra chantant « I've got you under my skin », interprétation célèbre s'il en est une. Il faut dire, Stanley Payant, que les chansons de Cole Porter seront interprétées par les plus grands Sinatra, mais bien d'autres. Oui, parce que là, elles ont le succès qu'elles ont à Broadway. Elles commencent à tourner à la radio, interprétées par les grands du jazz. Après qu'on les ait aussi entendues au cinéma, Ella Fitzgerald, dans les années 50, va consacrer un album double aux chansons de Cole Porter. C'est un des fameux songbooks qu'Ella Fitzgerald enregistre pour la firme Verve. Billie Holiday va sortir l'une des premières versions chantées de Love for Sale qui tourne enfin à la radio parce que depuis 30 ans, on n'entend pas cette prostituée vanter ses mérites et vanter sa connaissance de l'amour. Frank Sinatra va chanter Got You Under My Skin, bien sûr, Night and Day, I Get a Kick Out of You. Nat King Cole va intituler un de ses albums Just One of Those Things, qui est une autre chanson célèbre de Cole Porter, puis Miles Davis, puis Charlie Parker, puis Oscar Peterson, jusqu'à des artistes de jazz contemporains, continuent à puiser aux sources de ses œuvres dans des versions chantées ou des versions instrumentales. Question piège, Stanley, mais pour vous, le plus beau mariage, la plus belle interprétation d'une très bonne chanson de Cole Porter, mais magnifiquement portée par je ne sais pas qui, en fait, qu'elle interprète. Ben, ma chanson préférée de tout son répertoire, c'est « So in Love ». Et je dois dire qu'il y a une interprète québécoise qui, pour moi, la rend de manière extraordinaire, mieux que tout ce que j'ai entendu d'autre. C'est Stéphanie Laliberté qui chante « So in Love ». Ça donne des frissons. On note ce que vous venez de nous dire, Stanley Payan, et pour terminer cette émission et pour aborder l'héritage de Cole Porter, une chanson interprétée par Kevin Kline, Experiment. Vous allez voir pourquoi on vous présente cette chanson-là maintenant, tout de suite après en avoir entendu un extrait. Experiment, make it your motto, day and night. Experiment, and it will lead you to the light. The apple on the top of the tree is never too high to achieve. So take an example from Eve. Experiment. Be curious. C'est Kevin Kline qu'on entend donc chanter la chanson Experiment, qui joue le rôle de Cole Porter dans le film Dee Lovely, un film réalisé par Erwin Winkler en 2004. Il y aura deux films biographiques sur Cole Porter qui vont être tournés à Hollywood, Dee Lovely en 2004 et Night and Day de Michael Curtis en 1946. Ça en dit déjà pas mal et ça nous permet de parler déjà de l'héritage qu'il nous laisse Stanley Payan à Cole Porter, mais deux films sur lui, un de son vivant, on comprend que déjà il est important. Oui. Et ce qui fait le mérite de Lovely, celui de 2004, c'est qu'on nous présente un Cole Porter beaucoup plus près du personnage historique, bon vivant, extravagant, playboy homosexuel, l'esprit fin, l'audace, la volonté d'expérimenter toujours, plutôt que cette version épurée que Cary Grant incarnait dans Night and Day de Michael Curtis. C'est ce qu'on retiendra de lui, c'est que c'était un parolier avec un sens incomparable de la poésie, de l'esprit, un raffinement et justement cette audace omniprésente. Un compositeur aux mélodies souvent exigeantes mais tellement accrocheuses. Et puis c'était un homme passionné si on se fie à son abondante correspondante amoureuse dont on trouve des échos dans ses chansons. Il nous laisse donc des chansons extraordinaires à profusion, des chansons savoureuses, intelligentes, tellement bien construite, parfois légère, parfois grave, jamais banale, qu'on va continuer à écouter, je pense, et à reprendre à toutes les sauces pendant encore longtemps. Mmh. Stanley Payan, animateur de l'émission « Quand le jazz est là » à Ici Musique. Merci, Stanley. Plaisir. Et on se quitte sur cette chanson. On a pris des notes cette année dont vous nous parliez, « So in Love » de Stéphanie Laliberté. Merci à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, à la réalisation Mathieu Beauchamp, à la recherche Caroline Morin et Ariane Cipriani, recherche d'archives Fanny Leblanc et Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Mysterious, the night when you first were there, in love with my joy, delirious, when I knew that you could care. So taunt me and hurt me, deceive me, desert me, I mean.